je dis, je prends des paris. Je dis, je pense que je me suis pas trop trompé sur certains trucs, et le temps me donnera plus ou moins raison. Il se peut très bien que le temps me donne tort, et que je sois finalement dans 50 ans rien du tout, ou un espèce d'idéologue réac et qui a fait des petits paradoxes sur le féminisme, etc. C'est tout à fait possible. Je prends les paris. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio 103, c'est Nafarroa Social Club. Aujourd'hui et la prochaine émission seront consacrées à la diffusion de l'entretien que j'ai eu avec le sociologue Alain Soral. Cet entretien que j'ai eu il y a environ 2 semaines à Bayonne. Et Alain Soral, pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui connaissent, une petite présentation succincte. Alain Soral est un sociologue, il a écrit notamment « Sociologie du dragueur »,« Misère du désir » et « Jusqu'où va-t-on descendre ?», vendu à près de 400 000 exemplaires. Mais il est surtout un personnage très controversé. Certains apprécient la justesse de son discours, son franc-parler et son analyse sociologique. Mais il déchaîne aussi la haine d'un groupe de personnes, enfin d'une certaine, comme on pourrait l'appeler, une idéologie dominante, qui le traite de misogyne, qui lui reproche son agressivité et qui dénonce son style. Dans un article de Technicart, il a été qualifié d'exécuteur testiculaire et de psycho-killer. Il s'est fait surtout connaître par ses interventions dans Tout le monde en parle de Hardisson, et il n'est que très peu relayé par les médias. Et lorsqu'on va sur son site internet ou lorsqu'on a la chance de le rencontrer, il se revendique agitateur et il assume sa subversion. Mais s'il provoque tant de haine et de rejet, c'est sûrement parce qu'il va, comme je l'ai dit, à l'encontre de l'idéologie dominante. Cette idéologie dominante qui semble toujours avoir fait face, puisque lorsqu'on le lit, il est à peu près à l'image de ces personnages des romans du 19e, qui, autodidacte et venant de province, montent à la capitale et veulent être reconnus et s'affrontent fatalement à la classe dominante. Voilà. Et donc, une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps et que, comme je vous dis, j'ai eu la chance de rencontrer. En même temps, j'aimerais aussi, comme c'est une personne qui est assez controversée et qu'on connaît pour subversive, hein, j'aimerais aussi vous citer Socrate qui disait que les gens qui produisent des réponses ne disent pas forcément la vérité, et interroger, c'est ne pas prendre pour argent comptant ce que la personne nous répond justement. Et donc je vous invite à écouter attentivement ce que va dire Alain Soral. Et pour ma part, moi j'ai interrogé, mais c'est pas pour autant que je suis d'accord avec tout, mais je pense que le discours est souvent juste et intéressant. Et voilà, et donc c'est parti. Poser une petite question qui est un peu bizarre, mais ça crée un peu la confusion quand je t'ai eu au téléphone la dernière fois. Est-ce que tu prends des dispositifs particuliers par rapport aux gens qui veulent l'interview? Parce que je sais que par exemple tu avais eu des problèmes avec le bêtard ou ce type de choses, et est-ce que tu reçois par exemple des mails de personnes qui t'en veulent, ou est-ce qu'il y a des gens qui cherchent à te rencontrer qui sont pas forcément de bonne intention? Ouais, ça arrive. Je prends pas particulièrement de précautions, mais c'est vrai qu'à une période, c'est lié à mon soutien à Dieudonné, comme tu peux t'en douter. J'ai reçu pas mal de menaces, ouais, de menaces physiques par Internet. J'ai été agressé. Et bon, là, ça s'est un peu calmé. Mais bon, je pars du principe qu'il ne faut pas être dans la parano. Puis surtout, il ne faut pas faire le jeu de l'ennemi, entre parenthèses. C'est-à-dire que moi, je reste assez ouvert aux rencontres. Je ne me protège pas énormément. Simplement, bon, je me dis que quelqu'un qui fait l'effort de me contacter, de m'appeler, de venir jusqu'ici, ça fait quand même un certain nombre d'étapes qui fait qu'il n'y a pas tellement de risques, parce qu'il ne faut pas croire que les gens sont si courageux que ça, quoi. Bon, mais je vais continuer par une des premières questions. Et moi, par exemple, quand je parle de toi, généralement, à mes amis ou à des personnes qui lisent un peu, généralement, le premier terme qui sort te qualifiant, c'est misogyne. Donc, est-ce que tu penses que tu es misogyne, ou d'où viendrait le fait qu'on t'attribue le terme de misogyne? Ça vient de deux choses. Ça vient des médias et de mes livres, puisque j'ai écrit 2 bouquins, Sociologie du dragueur et un autre qui s'appelait Vers la féminisation, où je faisais l'effort de prendre à contre-pied toute l'idéologie féministe contemporaine. Et en fait, on me taxe de misogyne, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Enfin, je ne vais même pas batailler là-dessus. Parce qu'en fait, moi, je m'attache toujours à critiquer l'idéologie dominante, à montrer la face cachée de l'idéologie dominante. Et comme l'idéologie dominante aujourd'hui, c'est de dire la femme est l'avenir de l'homme, et que c'est devenu une espèce d'a priori indiscutable, je me suis amusé à en discuter et j'ai émis l'hypothèse que c'était pas forcément certain et dans tous les domaines. Et rien que pour ça, je me suis fait taxer de misogyne. Et puis aussi parce que pendant un certain temps, les médias m'invitaient un peu pour ça, quoi. Parce qu'il fallait quelqu'un qui ose dire qu'il prenait à contre-pied cette idéologie de la femme et l'avenir de l'homme. Donc, c'est pas totalement faux. Enfin, c'est de ma faute. En tout cas, si on me traite de misogyne, ça vient pas de nulle part. C'est un peu de ma faute. Mais c'est, enfin, les gens qui lisent mes bouquins, parce que finalement, les gens qui disent le plus de mal de mes écrits sont ceux qui me lisent le moins. C'est toujours, entre guillemets, un peu plus compliqué que ça quand on me lit, quoi. Hein, mais bon, je vais pas pousser les hauts cris si on me jette de, si on me traite de misogyne. C'est vrai que je me suis amusé à critiquer certains aspects du féminisme contemporain et certains aspects de cette idéologie actuelle qui consiste à prôner la femme comme remède à tous les problèmes de la société marchande, quoi. Ce qui est forcément, c'est ce qui est facilement critiquable. Ouais. Et enfin, à partir de là, moi j'avais une autre question par rapport à la phrase de Bourdieu. Enfin, la vérité sociologique est violente et difficile à accepter. Le fait que, par exemple, tu expliquais que les magazines People ou les livres People étaient plus lus par des femmes, est-ce que ça, c'est une vérité sociologique qui peut passer pour un caractère misogyne ou quelque chose comme ça, tu vois? Est-ce que ça pourrait expliquer que le fait que les gens ne sont pas accoutumés à la sociologie et que la vérité les choque, que de suite, ils se sentent attaqués et te traitent de misogyne de prime abord? Moi, je crois que là, sur ce sujet des magazines féminins, c'est la réalité qui est misogyne. Quand on voit que les magazines féminins se vendent, et quand on voit quand on analyse le contenu objectif des magazines féminins, c'est-à-dire ça parle de mode, de régime amaigrissant, de people, c'est ouvertement la preuve soit qu'on prend les femmes pour des connes, soit qu'il faut c'est ce traitement-là qu'elles veulent, sinon elles n'achètent pas, ce qui tend à être vérifié, puisque tous les magazines comme DS qui ont essayé de faire du journalisme généraliste sur le modèle masculin, c'est-à-dire de faire un Express ou un Le Point féminin, les ventes se sont cassées la gueule. Donc là, moi j'en appelle à l'honnêteté de l'observateur, c'est que la réalité est misogyne. Si vraiment ce que veulent lire les femmes, c'est elles, quand on analyse le contenu objectif de elle, et c'est pas dur, c'est très méprisant pour les femmes. Enfin, ça ne va pas dans le sens de l'émancipation, de la conscience politique, du désir de connaissance du monde en tant que nature et communauté humaine. Enfin, je veux dire, c'est assez facile. Alors effectivement, plutôt que d'admettre ça, c'est plus simple. Il y a des vieilles injures qui traînent depuis l'après-guerre, mais surtout depuis mai 68. C'est facho, miso. Enfin, on sait très bien. Je pense que quand on veut faire l'effort de penser un peu et d'oser affronter l'idéologie dominante, il ne faut pas avoir peur de subir quelques injures. Effectivement, les sciences humaines, c'est un domaine qui, contrairement aux sciences exactes, est très politique, où il y a des enjeux. Donc il y a beaucoup de mauvaise foi déjà, parce qu'il y a des intérêts, humains, donc il y a de la stratégie, il y a des coups bas. Et il me semble qu'il est dans la tradition que quelqu'un qui essaye de penser un peu honnêtement sur la période dans laquelle il vit, c'est-à-dire en prise directe, s'attire quelques ennuis et quelques injures. C'est plutôt l'inverse qui est louche. C'est le soi-disant sociologue encensé à la fois par l'establishment, les médias, etc. Il y a beaucoup de chances pour qu'il n'y ait pas grand-chose dans sa pensée, quoi. Très bien. Et une autre petite question. Enfin, c'est vrai que moi, la première fois que je t'ai vu, c'était dans Campus, hein, où tu aurais fait un doigt à Josiane Savigno. On l'a vu, ça, à l'image. Ouais. Donc, l'idée, ça serait... Enfin, et après, je t'ai vu pour la seconde fois chez Ardisson. Et c'est vrai que là, pour le coup, j'étais un peu plus séduit. Et la question que j'aurais te posée en guise de présentation, quoi. As-tu des regrets par rapport à certaines réactions que tu as pu avoir à l'écran ou certaines réactions que tu as eues envers certaines personnes? Parce que, quelque part, elles permettent à ces personnes-là de discréditer ton discours et de te mettre dans une catégorie. Alors d'abord, c'est un luxe déjà inouï de pouvoir se permettre de faire un doigt à Josiane Savigno, qui est la papesse des lettres, du monde des lettres, et qui a quand même contribué au triomphe du mauvais goût et de la médiocrité absolue et du discrédit total de la littérature française à l'étranger. Donc déjà, moi, je vis la vie comme... se payer certains luxes, c'est plutôt pas mal. Être invité à Campus... En plus, là, si je veux revenir sur l'émission, j'ai été invité à Campus à une autre émission. Et il se trouve que je devais me retrouver face à Bernard-Henri Lévy. Et chaque fois dans ma vie que j'ai dû me retrouver face à Bernard-Henri Lévy, il m'a fait virer. Parce qu'il a les moyens, lui, d'appeler n'importe qui et de dire « je veux pas de cette personne sur le plateau ». Et comme Guillaume Durand est un type à peu près honnête, il m'a dit « écoute, Bernard-Henri Lévy veut pas de toi sur le plateau, je te réinvite la semaine d'après ». la semaine prochaine. Et la semaine d'après, je me retrouve sur un plateau dont le sujet était le cinéma pornographique, avec une fille qui faisait des films porno, ce que je trouve très ringard, quoi, comme sujet. Enfin, vraiment, je trouve ça tellement démodé que je me fatiguerais même pas à critiquer une actrice de porno qui se prend pour une intello ou une féministe. Mais j'avais pas grand chose à faire là, quoi. C'était un peu combat d'arrière-garde. Du coup, je suis venu là pour m'amuser, entre guillemets. Et ce que les gens n'ont pas saisi quand ils ont vu l'émission, c'est que Josiane Savigno était assise derrière moi, elle n'avait pas de micro, donc on n'entend pas ce qu'elle dit. Mais elle a passé toute l'émission à m'insulter, strictement, parce que c'est, faut voir ce que c'est que la réalité des médias, c'est de la déstabilisation, c'est que des coups bas. Mmh. Et puis, il y a le pouvoir monte, hein, c'est lui qui choisit d'ouvrir le micro ou de le fermer. Donc moi, elle m'insultait depuis le début de l'émission, chaque fois que je parlais, elle disait, mais faites-le taire, gna gna, connard, enfin. Et puis à un moment donné, j'en ai eu marre, je suis tourné vers elle, je lui ai fait un doigt d'honneur, ce qui l'a fait taire, parce qu'en fait, j'avais rien vu le niveau de son discours, j'avais rien d'autre à lui dire que tais-toi, quoi, je t'emmerde, quoi. Ouais. Bon, alors après dire oui, vous voyez, c'est un garçon mal élevé, il fait un doigt d'honneur. Moi, je pense que quelqu'un qui pense que c'est une faute de goût de faire un doigt d'honneur à ce Josiane Savigno à campus, et de toute façon, quelqu'un qui n'a pas compris grand-chose, donc ça, j'élimine les mauvais clients. Et comme je ne suis pas spécialement commerçant dans l'âme, je ne cherche pas à ratisser large, je cherche à. Moi, quelqu'un qui me dit, tiens, c'était amusant le doigt d'honneur que vous avez fait à Savigny ou à Campus, je me dis, bah, ça, c'est un bon gars, quoi. Celui qui me dit, oui, quand même, ça ne se fait pas dans une émission culturelle, c'est qu'il a pas la même définition que moi du mot culture. Donc, je le regrette pas particulièrement. Ce que je regrette, c'est la médiocrité du débat et des procédés, parce que moi, j'aimerais être à des émissions de qualité. Quand je vois ce qu'était Apostrophe dans les années, fin des années 70, où on pouvait voir Maître Tixier Vignancourt discuter avec Roland Dumas sur des périodes troublées, où on pouvait voir Maurice Bardèche face à Bernard-Henri Lévy, à l'époque ça existait, il faut voir les images, il y avait un niveau de débat bien supérieur. Le niveau n'a fait que baisser depuis les années 80, et moi ce qui me consterne, c'est à quel point les émissions dites culturelles ont été vidées pratiquement de toute substance, de tout contenu culturel, de toute subversion, si on se rappelle même des émissions de Polak à l'époque. Et c'est ça, je pense, qu'il faut montrer du doigt, c'est la misère des émissions dites culturelles aujourd'hui, tant sur le plan du niveau intellectuel que sur le plan de la capacité de critique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune subversion, les gens ont tellement peur de ne pas être invités et sont tellement heureux d'avoir été invités pour faire leur promo qu'ils se contentent de cirer ils passent de l'encaustique sur les meubles, quoi, hein. Et là, pour moi, c'est ça la vraie question, quoi, hein. C'est qu'est-ce que je fais là? Le niveau est trop bas, quoi. Et se retourner devant Josiane Savigno et lui dire un peu ça, ça aurait pas eu plus de portée et mettre en valeur le fait qu'elle a dévalorisé la culture dans le journal Le Monde, ou que son attitude n'est pas digne d'une journaliste ou d'un être humain, quoi, d'insulter comme ça par derrière. Oui, après coup, c'est toujours comme ça, mais en fait, il y a l'aspect émotionnel. Et moi, Josiane Savigno, j'ai pas grand-chose à lui dire. J'ai perdu tout espoir de discuter avec quelqu'un comme ça. Je pense que si elle avait voulu comprendre ce que j'essaye de dire, elle l'aurait compris par elle-même depuis très longtemps. Donc je pense qu'on est dans un pur combat idéologique, et dans un pur combat, je dirais, presque de groupe, de pression, et que c'est un combat presque pour la survie. C'est-à-dire qu'elle, elle tient son espèce de petit secteur à bout de bras, en force, il suffit de lire les bouquins de Jour et Nolo, là, pour voir comment elle se permet de menacer des gens, de les menacer de procès, etc. Et moi, j'avais pas grand-chose d'autre à dire à Josiane Savigno que de lui faire un doigt d'honneur, quoi. Je veux dire, j'ai pas... Y a pas... Pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait désir de rencontre et doute sur ses propres positions, quoi. Moi, je suis prêt à discuter avec tout le monde, mais ces gens-là n'ont fait que me cogner dessus depuis 1985, en gros. Donc, en fait, ce que vous avez vu, c'est le doigt d'honneur que j'ai fait à Josiane Savigno, mais vous n'avez pas vu les milliers de coups de pied, de coups bas qu'ils m'ont donné à chacun de mes livres, tous les articles diffamants et ouvertement malhonnêtes dans toute la presse dite de gauche, où on manipulait des citations en faisant des coupés-collés dans mes phrases pour leur faire dire le contraire, les procès en diffamation que je n'ai jamais gagnés et qui m'ont coûté beaucoup d'argent. Tout ça, vous ignorez tout cet aspect du dossier. Et malheureusement, oui, c'est là qu'on voit ce que c'est que le pouvoir. C'est que moi, j'ai pas le pouvoir de montrer tout ça au public. Non, hein, alors qu'eux ont le pouvoir de dire, vous voyez, il a fait un doigt d'honneur à Savigno. Ben oui, mais... Okay. Ah, d'accord. Et je vais continuer. Il y a deux manières d'interpréter la connerie, et c'est vrai que toi, tu es plutôt assez radical et subversif, donc à laquelle tu adhérerais le plus, c'est-à-dire les cons sont souvent manipulés, manquent d'éducation, et qu'il faudrait véritablement les éduquer plus que les mettre de côté. Ou une autre version que j'avais plutôt entendue chez Brel, qui disait qu'être con, c'est de la paresse et c'est pas faire l'effort de réfléchir ni de se cultiver. Et toi, tu pencherais vers quelle affirmation? Je tentais de dire les deux, mon général, c'est évidemment les deux, mais quand on aime les idées et qu'on a un certain goût comme moi pour la pédagogie, je sais pas d'où ça me vient, mais on a toujours l'espoir que quelqu'un dit une connerie parce qu'il a pas bien compris, on lui a mal présenté le dossier. Et c'est évident qu'aujourd'hui, quand on a une analyse politique des choses, le dossier est tellement mal présenté par les médias, pour des raisons évidemment politiques, qu'on peut pas vraiment reprocher aux gens de pas comprendre grand-chose sur les conflits, sur Al-Qaïda, sur la Palestine. On peut pas leur reprocher. C'est-à-dire qu'on fait tout pour qu'ils comprennent de travers ou qu'ils comprennent ce qu'on a envie qu'ils comprennent. Donc moi, je fais toujours un espèce d'effort pour leur dire « vous n'avez pas la totalité du dossier ». Et puis c'est vrai qu'après, je me rends compte malheureusement qu'il y a beaucoup de gens qui fondamentalement s'en foutent, qui sont du côté du plus fort par esprit grégaire. Ça, c'est le petit côté, le contre-coup de l'optimisme. Hein. Donc, quand on est entre guillemets, qu'on prétend être un intellectuel et qu'on s'inscrit dans une tradition progressiste qui est liée à l'histoire de la Révolution française et à l'histoire du progressisme tout court, on a le devoir quand même de faire partager le travail de réflexion qu'on a eu les moyens de faire, les moyens aussi en termes d'emploi du temps, parce qu'on n'est pas soumis aussi brutalement que d'autres à l'impératif de production, travail salarié, etc. On a le devoir de le partager. Sinon, on est dans une démarche de droite à la Ortega y Gasset, c'est-à-dire on méprise le populo parce qu'on méprise le beauf, ce que je peux faire quand je suis fatigué ou énervé, mais ça mène pas très loin, hein, de mépriser la vulgarité des vulgaires. Ça mène à l'isolement, à la solitude. À ce moment-là, c'est plutôt une attitude de rentier. À ce moment-là, si on a des sous, on fréquente que les beaux endroits et on se retire dans sa tour d'ivoire. Mais moi, en fait, mon gagne-pain, c'est de se faire de la pédagogie, c'est d'essayer de faire de la sociologie populaire. Donc, je suis naturellement obligé d'être généreux et optimiste. Très bien. J'ai lu Misère du désir, Socrate à Saint-Tropez et Sociologie d'Andrager. Ouais. Puis je vais te faire revenir sur quelques notions qui m'ont beaucoup plu, hein, qui sont toujours d'actualité, notamment dans Misère du désir. Et est-ce que tu pourrais revenir, par exemple, sur l'idéologie du désir et la mécanique d'achat qui le liait? Moi, je l'ai résumé de manière très, très, très synthétique. C'est un, réduire... réduire la liberté au désir et réduire le désir à l'acte d'achat, hein, c'était ça. C'est-à-dire que la c'est la réalité, c'est le mécanisme actuel, hein. Donc on voit très bien qu'on passe de liberté égale désir et désir égale acte d'achat, hein. Donc on a bien vu l'intérêt pour la société marchande et la société de consommation. Et alors après, on discute, finalement dans la philosophie classique, ce qu'on appelle la liberté, c'est la maîtrise de ses déterminations, hein. C'est-à-dire d'abord la connaissance de ce dont on est fait, pour pouvoir choisir ce qu'on veut être. Donc, quelque part, par rapport à cette définition classique, dire que la liberté, c'est de se laisser aller à ses pulsions, c'est-à-dire d'être l'esclave de ses pulsions, qui est la définition un peu 68arde et un peu libertaire, est-ce que c'en est pas l'exact contraire, hein? C'est-à-dire dominer ses pulsions se laisser aller à ses pulsions, ce sont deux définitions de la liberté, l'une classique, l'autre actuelle, et qui sont totalement opposées. Donc j'en discute, hein, c'est un débat. Et après, dire, est-ce que si la liberté serait due au désir, réduire le désir à l'acte d'achat, c'est-à-dire j'ai envie de cette magnifique paire de chaussures de sport, je me l'achète, etc. À quoi ça mène, quoi? Je veux dire, est-ce que ça mène au... Parce que la question, c'est est-ce que ça mène au bonheur? Est-ce que ça mène à l'épanouissement? Est-ce que ça mène à l'humanité avec un grand H? Et ça, c'est l'idéologie dominante, de prétendre ça. En gros, c'est que le bonheur, c'est d'avoir c'est le maximum de possibilités de consommation possible. Et après, c'est d'analyser ça, oui, ce que ça entraîne. Et tout l'aspect vide intérieur, névrose, stakhanovisme, piège. Effectivement, le noyau dur de Misère du désir, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, on est piégé par l'idéologie du désir. Pourquoi y a-t-il de l'idéologie du désir? Est-ce que c'est parce que le pouvoir ou l'époque veut le bonheur des êtres? Ou est-ce que c'est pas plutôt parce que le marché est une fuite en avant et qu'il faut absolument pas que la consommation s'arrête? Et la consommation utilitaire atteignant rapidement un seuil de saturation, on est arrivé dans la consommation de l'inutile, c'est-à-dire avec du rêve, c'est-à-dire où la partie de l'objet réel est devenue presque secondaire, et ce qui compte, c'est toute la valeur ajoutée symbolique qu'on met autour de l'objet. C'est-à-dire, on vous vend des godasses de sport pour que vous preniez pour David Beckham, quoi, pas pour faire du sport, parce que finalement, vous en avez déjà quatre paires. Et est-ce que tout ça est synonyme de bonheur, d'émancipation, de, de générosité, d'égalité, enfin de toutes ces, par rapport aux valeurs qu'on prétend nous vendre, hein, aux valeurs progressistes. Après, on peut choisir d'être ouvertement de droite, néo-fasciste, tout ce que vous voulez. Et là, bah, je fais l'analyse et j'essaie d'aider les gens à faire cette analyse. Et je crois que la conclusion est assez facile. Où est-ce que le monde dans lequel on est, sans le bonheur, l'harmonie, l'équilibre, la maîtrise de soi, etc., c'est pas sûr. Est-ce que de ce point de vue-là, il y a un progrès depuis 30 ans? C'est pas sûr. Alors effectivement, tout ça est masqué par la multiplication des objets, hein, des objets de consommation, en général, de ce qu'on appelle la civilisation du plastique, là, c'est-à-dire de la drouille, quoi. Et je pense que quand on réfléchit à ça comme ça, après tout le monde arrive aux mêmes conclusions, hein, c'est pas si sûr que ça, quoi. Ouais, et cette mécanique d'achat, comme tu l'avais mis en valeur, je me rappelle avoir entendu que tu disais par exemple qu'il n'y a jamais eu autant de sexe à la télévision, mais les gens baissent de moins en moins. Ah. Oui. Moi, j'analysais que l'apologie de la sexualité transgressive par les médias ne correspond absolument pas, en plus de la critique qu'on peut faire sur le fond, à une réalité. C'est-à-dire que c'est pas pour ça qu'il y a plus de liberté sexuelle dans le monde réel. Je pense même que statistiquement, on a plutôt reculé de ce point de vue-là depuis les années 70. Et je montre à quel point c'est de l'idéologie. Cette soi-disant apologie de la sexualité transgressive, on le voit bien dans les émissions où on pousse au cocufiage, aux pratiques sexuelles extrêmes, etc. Et on les pousse pour la masse. C'est ça qui est marrant, c'est qu'avant, ça correspondait à des parcours individuels, initiatiques. Donc ça pouvait être presque des épopées culturelles. C'est-à-dire que le sadomasochisme chez un poète pris individuellement, ça peut être une... Ça peut être intéressant chez Pierre Louis, mais quand ça devient une injonction de manipulée par TF1 pour pousser les salariés moyens, les ménagères à rentrer dans le, enfin à passer au SM, je comprends plus très bien le modèle social, je comprends pas très bien où ça amène. Et là, je pose la question. Je pense que ça sent la manipulation, ça sent surtout la fin d'un système. C'est-à-dire qu'on sent que la machine commence à chauffer, comme dans une centrale nucléaire. Là, ça commence à s'emballer, ça commence à devenir n'importe quoi. Parce que c'est plus le libertarisme joyeux des années 70, hippie-gauchiste. Là, on est dans une espèce de truc, ça pue le sordide, quoi. C'est la webcam dans les chiottes du F2, du chômeur. Là, ça sent vraiment le sordide. Il faut être très très malhonnête aujourd'hui pour pas le reconnaître, quoi. Et donc, dans l'idée, la liberté aujourd'hui, ça serait peut-être de faire l'amour et de pas consommer, justement, de pas se laisser influencer par le sexe ambiant et faire l'amour de son côté, sans bruit, sans caméra et sans acte d'achat. Oui, moi, c'est un peu. Je me suis amusé à essayer de faire de la sociologie. Je me suis dit, bon, la société nous pousse à la consommation sexuelle. Alors, l'idée que j'entendais à gauche à droite, c'est oui, donc il faut remettre à la mode la chasteté. Ça, c'est une mécanique un peu simple. D'abord, la société nous pousse à la consommation sexuelle, mais il n'y a pas de consommation. Il y a des images, il y a surtout de la frustration, parce qu'on nous montre des femmes à poil toute la journée à la télé, on nous montre des espèces de relations sexuelles de type échangiste, etc. Enfin, c'est devenu le noyau de toutes les émissions populaires. Mais ce n'est pas suivi des faits. C'est-à-dire que la réalité sexuelle du salarié français moyen n'a pratiquement pas bougé. Au contraire, lui, il se prend dans la gueule... la crise économique, la crise urbaine, les inégalités accrues, etc. Donc, tout ça, c'est une stratégie de frustration, c'est-à-dire qu'on fait sentir aux gens à quel point ils ont une vie sexuelle médiocre et fade par rapport aux images qu'ils reçoivent, donc on crée un décalage accru. Et deux, donc effectivement dire finalement, ce qui serait bien, c'est que les gens aient une vie sexuelle riche, parce que je pense que je peux tout à fait admettre que c'est bon pour l'épanouissement. Je suis pas un idéologue de la frustration. Et deuxièmement, que ça se passe en dehors du circuit médiatique, c'est encore mieux. Oui, c'était ça l'idée. C'était en fait, d'un côté, il y a ceux qui parlent de cul toute la journée et puis il se passe rien. Et peut-être que l'alternative à ça et la subversion, ça serait de ne plus du tout en parler, mais de le faire. Ça, c'était le jeu dans le bouquin. Mais surtout, j'ai bien insisté sur le fait qu'il ne fallait pas confondre mise en scène médiatique du désir et réalité. C'est-à-dire que la réalité sexuelo-affective des gens est très, très, très médiocre aujourd'hui. Je le constate. Hein. Et je suis par la suite, après avoir fait cette question, qu'en fait, tu as étudié via Cassoradis. Tu assistes à ses cours, tu as été son élève. Ouais. Dans quelle mesure tu étais son élève, dans quel cadre, en fait? J'étais élève à l'école des hautes études en sciences sociales dans les années 80, et j'étais dans son séminaire un peu par hasard, parce que quelqu'un m'avait dit que c'était pas mal, et en fait à l'époque j'avais besoin d'avoir le statut d'étudiant pour des raisons presque de sécurité sociale, Et j'avais, entre autres cursus, j'avais fait les beaux-arts et les hautes études en sciences sociales. Donc je me suis retrouvé l'élève de Castoriadis, qui m'a jamais, je dois le dire, impressionné. Hein. J'ai jamais trouvé très... Je pense que c'était pas un mec très sérieux. Il m'a jamais impressionné. Et bon, je ne dirais pas de mal, parce qu'il a eu une fin tragique, il s'est suicidé. Donc c'est toujours étrange quand un vieux maître à penser comme ça se suicide. Je crois qu'il s'est peut-être pas remis de... Soit c'est une histoire de femme, soit il s'est pas remis de ses prédictions ridicules sur... Tu sais, parce qu'à l'époque, il écrivait des bouquins où il prétendait que les Russes allaient nous envahir quand même. Hein. Je connais pas moi. Ah, bah, c'était sa thèse des années 80, je c'est ça. C'est qu'on était, ça s'appelait Devant la guerre, je crois, ou un truc comme ça. Et il prétendait que les Russes, comme ils étaient au bord de l'implosion, donc il avait une analyse totalement fausse, et qui prouve bien qu'il avait une vision très, très occidentalisée pour un marxiste et un soi-disant communiste des Russes, et qu'il pensait, il avait pas compris que les Russes n'ont jamais été agressifs. Ils ont toujours été dans une... même à l'époque de Staline, dans un problème de gestion de leurs problèmes intérieurs et beaucoup moins expansionniste que les Américains. Et là, l'histoire est venue donner raison à cette thèse, puisque effectivement, Castoriadis avait compris comme des tas d'analystes que tous les signaux étaient au rouge et que la Russie était au bord de l'implosion. Mais il en avait déduit que pour remédier à cette implosion, elle allait nous envahir l'Europe occidentale riche. En réalité, non. Elle a elle-même décrété sa fin. C'est-à-dire que c'est quand même très rare dans l'histoire qu'un chef d'État, c'est-à-dire Monsieur Gorbatchev, dit « on arrête ». Ce qui est la preuve d'une incroyable douceur politique. Alors que les Américains qui sont en train de se péter la gueule, eux disent pas on a plus les moyens d'être les maîtres du monde, on arrête. Non, non, ils sont en train de mettre en place la Troisième Guerre mondiale. Quand même. On peut comparer les deux attitudes quand même. En fait, moi, je le connais plus parce que j'ai lu La montée de l'insignifiance, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Et dans ce livre-là, justement, ça rejoignait un peu l'idée que je me demandais si ça avait été influencé ou pas. Parce que, par exemple, il dit que l'hédonisme des 68 arts a poussé à l'individualisme et à l'individualisme de type l'acte d'achat aujourd'hui, quoi. Oui, que... tous les gens un peu intelligents qui avaient une culture de la sociologie du collectif, donc qui avait une formation un peu de marxiste, était capable de faire cette analyse. Pasolini l'a très bien fait dès 72, même Jean Genet. Enfin, je veux dire, tous les gens intelligents, et le grand spécialiste de ça, c'était Lucien Goldman, hein, qui était sur le... Ils tous avaient bien compris quels étaient les enjeux de la société de consommation, et les plus intelligents, quel rôle jouait l'idéologie de mai 68 dans la mise en place définitive de cette société de consommation, hein, c'était se servir de cette idéologie libertaire pour casser la vieille société patriarcale du travail responsable, etc., qui était pour moi le côté respectable de la société bourgeoise, hein, qui était le respect du travail et le respect du producteur, alors que là on a tout tourné vers le consommateur. Et au nom de la transgression, on a fait une apologie du parasite, c'est-à-dire du consommateur non producteur. Cette analyse-là, le grand sociologue qui l'a faite très sérieusement, c'est Michel Kluskar, qui est en fait mon vrai maître à penser, entre guillemets. Le vrai type dont j'ai beaucoup appris, c'est Michel Kluskar, qui est un grand sociologue communiste des années... et qui a théorisé le libéralisme libertaire. Réellement, c'est-à-dire qu'il a inventé ce concept du libéral libertaire dès 72, 4 ans après mai 68. Il a dit, et il a écrit dans des livres prophétiques, dont un qui s'appelle « Néofascisme et idéologie du désir », que j'ai préfacé. Il a annoncé de manière prophétique à quoi allait mener mai 68. C'est-à-dire qu'il avait déjà prévu Cohn-Bendit, bras-dessus-bras-dessous avec Bérou, appelant la jeunesse à voter pour la constitution Giscard, appelant à la guerre en Irak, parce que c'est exactement là où en sont tous ces anciens chantres de mai 68. Hein. Je veux dire, historiquement, tout est vérifié. Hein. On a eu 35 ans pour vérifier que finalement Georges Marchais avait raison sur mai 68. Quoi. Et en fait, comme je t'ai demandé ta formation, c'était une question que j'avais préparée pour après, mais bon, comme je l'ai là et que... En fait, quelle est ta formation ? C'est vrai que, comme je te l'avais dit, enfin, on est bombardé à la télévision de philosophes, sociologues, mais j'ai su il n'y a pas longtemps qu'Alain Finkielkraut avait seulement agrégé de lettres, donc c'est très très peu... C'est moi que tu l'as suivi, ouais. En anglais, une agrégation de lettres plus de diplômes que moi pour prétendre faire de la philosophie, quoi. Moi, je prétends et je revendique... Je revendique mon statut d'autodidacte, hein, c'est-à-dire que j'ai fait des études totalement bidons, parce que les études de sciences humaines sont pas du tout sérieuses, tu vois, j'y crois absolument pas. Mais j'ai fait ces études-là pour des raisons de statut social, c'est-à-dire que j'avais besoin d'avoir la sécurité sociale et d'être officiellement étudiant pour bénéficier de la MNEF, etc. Mais je n'ai rien appris à l'intérieur de l'université, ça c'est sûr. J'ai tout appris. Par les efforts personnels que j'ai faits pour essayer de comprendre mes contradictions, le lien qu'elles pouvaient avoir avec l'époque et qui pouvait me donner des indications pour les comprendre. Donc un livre en a amené un autre et tout vient de ma curiosité et des rencontres. Et les rencontres sont liées à la curiosité. Et tous les grands philosophes que j'ai lus et les grands sociologues que j'ai lus, notamment comme Lucien Goldman, qui est un très grand sociologue marxiste, mais... enfin plus marxien que marxiste, j'en ai jamais entendu parler à l'université. Les types qui tenaient le haut du pavé à l'époque, dans les années 80, comme Michel Foucault ou Castoriadis, sont pour moi des brels et des tout petits joueurs par rapport à Piaget sur le par exemple sur la question du structuralisme, ou à Henri Vallon, tu vois, ou à Lucien Goldman, ou à Michel Kouskar, enfin tu vois, tous les grands penseurs qui m'ont aidé à me former, je les ai découverts par moi-même et ils étaient totalement occultés par l'université. Et l'université ne mettait en avant que des mauvais, dont Bourdieu, qui pour moi est vraiment un positiviste et un sociologue de troisième zone. C'est pas du tout un grand sociologue pour moi. D'accord, c'était une de mes questions d'après, mais c'est très bien parce que c'est vrai que quand on passe à sociologie, on pense tout de suite à Bourdieu et il est considéré comme le meilleur sociologue, enfin, dans l'idéologie dominante. J'ai quand même essayé de démontrer par des textes assez courts et assez ironiques que la sociologie de Pierre Bourdieu, c'est rien, il n'y a rien dedans. C'est un enfonceur de portes ouvertes, c'est un positiviste. En plus, il se réclame d'Auguste Comte, alors que la critique du positivisme comme idéologie et comme naïveté a été faite par Lénine, tu vois, dans Matérialisme et Empirio-Criticisme. Enfin, tu vois, le débat est quand même presque réglé depuis Lukács, tu vois, les années 20. Je suis étonné. De la naïveté de Bourdieu, mais une fois j'avais demandé quel était le secret de Pierre Bourdieu à un philosophe de talent, il m'a dit sa médiocrité. Tu sais, c'est un type qui est monté. Quand tu montes jusqu'en haut de la hiérarchie universitaire, c'est que tu as fait de tort à personne et que tu n'as pas gêné les politiques. Parce qu'en sciences humaines, je suis désolé, si tu es réellement subversif, tu dégages. Tu vois. Et en fait, Bourdieu était à mon avis, un médiocre et un naïf. Et d'ailleurs, quand il s'est rendu compte de sa médiocrité et de sa naïveté, il a eu à peu près la même réaction qu'Althusser. C'est-à-dire que lui, il n'a pas voulu mettre le feu à Normal Sup, mais il s'est mis du côté des grévistes de la SNCF, ce qui était totalement contraire à toute sa vision sociologique. C'est-à-dire que là, il retombe finalement dans le populisme et l'action directe et le gauchisme de base, alors que toute sa théorisation sociologique lui interdisait cette démarche, qui veut dire que c'est vraiment une démarche compensatoire. C'est vraiment la preuve même de son inconséquence et de son incohérence. Parce qu'en fait, ça a été... Pour moi, c'est le sociologue qui a liquidé la sociologie marxiste sans le savoir, à son insu, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est monté en grade, c'est-à-dire que c'est la droite, ce que j'appelle la droite la plus bête du monde, hein, c'est celle qui est de droite sans le savoir, et à la fin de sa vie, en plus, il a une espèce de barreau d'honneur quand il a atteint tous les échelons et qu'il a plus de problème de hiérarchie parce qu'il arrive à la retraite et qu'il est à... il est au sommet de la hiérarchie, c'est de se faire un petit moment de... un petit plaisir rebelle, tu vois, un peu à la Schwarzenberg, tu sais, quand le type, il est ministre et puis après, il dit deux, trois conneries, il se fait virer, quoi. Pour moi, vraiment, le critère de l'intelligence sociologique, c'est qui a compris et qui n'a pas compris que Bourdieu était une baudruche, quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas de pensée chez Bourdieu. Et je ne sais pas, moi, quand il a... Enfin, moi, j'ai lu pas mal de choses sur lui, ce qu'il avait fait par rapport sur la télévision, par exemple, ou sur... C'est une naïveté. Je soupçonne même qu'il écrit ce livre pour draguer les journalistes télé, parce qu'il était très mauvais client, il s'était fait ridiculiser. Je crois que même Nagui l'a ridiculisé une fois à la télé, tu vois. C'est-à-dire qu'on a vu que Nagui était plus malin que lui, tu vois. Et je pense que son livre sur la... son livre sur de la télévision, sur la télévision. Oui, et d'une bêtise et d'une naïveté inouïe, c'est très très faible. Et je l'ai entièrement annoté. Et bon, après, c'est un autre sujet, c'est une autre émission. Mais alors, vraiment, s'il y a quelqu'un qui a. À la limite, Jean Baudrillard, qu'on peut critiquer pour son esthétisme, son nietzschéisme, ce qu'on veut, est beaucoup plus fin, beaucoup plus intelligent que Bourdieu. Il y a, dans les sociologues un peu, on va dire, plus faussement sérieux, entre guillemets, je pense que Baudrillard est bien plus valable que Bourdieu. Mais, dans quel sens c'est d'une naïveté? Parce que c'est des raisonnements simplifiés ou c'est parce que... La critique de la télévision, elle se fait de manière politique. Il ne se passe rien à la télé parce que la télé obéit au pouvoir et à la hiérarchie à la fois du capital et à la hiérarchie de l'appareil d'État qui finalement travaille la main dans la main. Et quand on m'a dit ça, il n'y a pas besoin de recourir à McLuhan. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé à la télévision, j'ai été dans ce métier-là. Je veux dire, Bourdieu, c'est l'universitaire naïf qui d'un seul coup se met à penser sur un domaine qu'il connaît pas du tout et qui ses conclusions sont tellement bêtes que je me demande même si c'est pas de la séduction. C'est-à-dire, je pense qu'il a essayé de flatter les journalistes, quoi, de les journalistes télé. Son bouquin est très très faible. Enfin, ce bouquin a beaucoup marché parce qu'il a valorisé les médias d'une certaine manière. Et son image s'est retournée à partir de ce bouquin-là. Parce qu'avant, il était méprisé par les médias, comme donneur de leçons, type psychorigide, mauvais client. C'est-à-dire qu'il avait la réputation d'être un mauvais client. Et il avait un vrai problème, Bourdieu, qui est un mondain, à mon avis, un tout petit bourgeois arriviste, comme souvent l'universitaire. C'est-à-dire qu'il avait un désir de réussite sociale qui crève les yeux. Hein. Je pense que sa vraie souffrance, c'était d'être un mauvais client des médias. C'est-à-dire qu'il n'était pas. Il n'était pas bien perçu par les médias et pas souvent invité. Et je crois qu'il a eu un désir à un moment donné de séduire les médias et que son petit bouquin sur les médias, le vrai sens, qui est peut-être un sens psychanalytique et inconscient, c'est d'un seul coup de se réconcilier avec les médias en les flattant et en leur donnant beaucoup plus d'importance qu'ils n'ont. Parce qu'en fait, ils flattent des gens dans ce bouquin qui sont des petits exécutants, des petits salariés, et qui n'ont absolument pas le pouvoir qu'ils leur donnent, ni l'intelligence qu'ils leur donnent. C'est-à-dire, j'ai aucun doute là-dessus, ça fait 25 ans que je travaille dans les médias, c'est pas Bourdieu, enfin, les analyses néo-macluaniennes de Bourdieu sont... me font doucement ricaner, quoi. C'est du niveau d'Althusser, hein, pour moi. Hein. C'est comme Althusser et le marxisme, quoi. Ok. Et je vais revenir sur une petite question qui était par rapport à Misère du désir. Enfin, une petite... Enfin, pour que tu me reparles un petit peu de ce thème que j'ai paru très très intéressant, notamment Ni pute ni soumise et la diabolisation des jeunes des cités, l'assimilation qu'on fait entre islamistes et violeurs, et alors que je t'avais entendu dire que justement un taliban ne viole pas, hein, que c'est, oui, oui, c'est... Faut choisir. Voilà, exactement. Et donc c'est le rappeur, hein. C'est-à-dire que c'est le violeur chez les immigrés qui sont, il se trouve qu'ils sont maghrébins, c'est celui qui s'identifie à l'idéologie des noirs américains du ghetto, c'est qui est une idéologie d'ailleurs entièrement libérale. Mais c'est l'idéologie libérale des classes dangereuses, hein. C'est tout pour la maille, vous voyez, et c'est la sauvagerie libérale intégrale. Le retour à l'islam, qui est le retour à une idéologie de la tradition, avec des valeurs qui sont les mêmes valeurs que tous les monothéismes, hein, c'est-à-dire le décalogue, il faut choisir. Un maghrébin qui retourne à l'islam n'est plus un voleur et un violeur. Ça peut être, à la limite, si on veut être dans le fantasme, un futur poseur de bombes, et encore ça se discute, mais surtout pas un violeur. Donc quand on parle d'islamo-violeur, à un moment donné, on met en place une image de l'islamo-violeur, sociologiquement pas crédible. On essaye d'additionner deux peurs. Et quand c'est fait par le personnel politique du Parti Socialiste qui est en charge les banlieues, on se dit, tiens, c'est bizarre, que ces gens-là qui avant avaient mis en place « Touche pas à mon pote » pour défendre les maghrébins des banlieues, et même les défendre dans tout ce qu'ils avaient d'indéfendable, hein, c'est-à-dire de dire que finalement la délinquance c'était jamais que de l'auto-redistribution, enfin d'espèce d'analyse très très malsaine, très immorale, très gauchiste, comme toujours la stupidité gauchiste qui te dit que le voleur finalement est un révolutionnaire. Tu parles, et quand tu mets un doigt dans le 10 minutes de sociologie du banditisme, et tu vas voir si ces gens-là sont des révolutionnaires et s'ils sont de gauche, tu vois. Hein, c'est vraiment d'une naïveté qui mériterait à des moments plus que des sourires amers, quoi. Et quand on voit que c'est les mêmes qui ont mis en place l'idéologie « touche pas à mon pote », qui aujourd'hui te disent « ces gens-là, finalement, sont des islamo-violeurs et il faut les ratonner », parce que c'est les mêmes, c'est-à-dire le Parti Socialiste, hein, la bande à Julien Drey, c'est très étonnant, ce revirement à 180 degrés sur une même population qui, sur le terrain, n'a pas changé, pratiquement, hein, parce qu'il ne faut pas rêver, c'est toujours les mêmes mecs en survêtement qui sont au bas des immeubles en train de dépenser vaguement leur RMI. Pourquoi tout ça s'est-il passé? Et moi, c'est parce que j'ai osé une analyse sérieuse de cette question que j'ai eu tous mes ennuis. Hein, je veux dire, c'est, de là me viennent tous mes ennuis. Hein. Tu penses à Malik Bouti aussi, qui est maintenant cadre au PS et qui était le président de Touche pas mon pote, par exemple. Oui, lui, il a bien fait son... C'est marrant, c'est que les gens de ces communautés défavorisées ne sont cooptés par le système, entre guillemets, que s'ils font violemment l'autocritique de leur communauté. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on ne nous le demande pas. On ne demande pas à la bourgeoisie de faire son autocritique ou aux sionistes de faire leur autocritique pour monter dans la hiérarchie. Là, c'est l'inverse. Ce qui est bizarre, c'est qu'on ne peut monter quand on est maghrébin en France qu'en faisant ce qu'on appelle le collabeur, voyez, c'est-à-dire en crachant sur sa communauté d'origine. C'est étrange, quoi, hein, parce que la saine intégration, c'est pas ça, hein, je veux dire... Et surtout, on ne le demande pas à tout le monde. Hein. On ne leur demande qu'à eux. Quoi. C'est-à-dire que tu seras petit beurre de service, tu monteras dans les médias si tu craches bien sur tes frères. Alors évidemment, c'est-à-dire que tu feras le gentil beurre, et puis les autres, évidemment, Al-Qaïda, Tariq Ramadan, l'islamisme, enfin tout ça, ça, c'est une mécanique bien huilée et bien suspecte. Quoi. Moi, c'est par rapport à ça, j'ai toujours eu la sensation que par rapport aux jeunes issus de l'immigration maghrébine, on mettait souvent en valeur les jeunes issus de l'immigration maghrébine qui s'investissaient dans le hip-hop ou cette activité culturelle, et qu'à partir du moment où ils écrivaient un livre qui n'était pas sur les banlieues ou qui était pas ou qui touchait à la poésie ou ce type de choses, jamais ils étaient mis en valeur. Et l'espèce d'emprisonnement qu'ils sont dans cette culture hip-hop et cette culture, enfin, comme tu l'as dit un jour, hein, je crois que tu avais dit un truc comme un résidu de la culture noire américaine ou quelque chose comme ça, ou de la... Oui, c'est qu'effectivement, quand un maghrébin est agrégé de physique, il n'intéresse personne. Enfin, je parle, quand je dis personne, c'est les médias, hein, le système, ce dont Pierre Bourdieu a si mal parlé. Mais si d'un seul coup, il écrit des mauvais textes en rime plate qui s'appellent du rap, le rap français n'étant jamais au rap américain ce que le yéyé était au rock'n'roll, c'est-à-dire de l'imitation bien soumise d'une culture impériale par des dominés, c'est-à-dire vraiment il n'y a pas de quoi s'extasier, hein, avec des rimes plates, des textes ultra agressifs qui appellent jamais au meurtre des Français et de la police en gros, hein, il suffit de lire les textes. Là d'un seul coup c'est les têtes de gondole à la Fnac, hein, et d'un seul coup ça intéresse tout le monde et on te dit que c'est les chances pour la France, hein, d'un seul coup c'est-à-dire des gens qui prônent la non-intégration absolue, la haine de tout ce qui est la socialité, et surtout tout ça pour faire du pognon en vendant des disques. C'est-à-dire que derrière, il n'y a même pas de courage, il n'y a même pas de vraie subversion. C'est pas action directe. C'est que de l'esthétique. C'est que de la pose délinquante. Hein. L'exemple parfait étant Joe Star. Joe Star, chaque fois qu'il a mis une paire de claques à une hôtesse de l'air ou à un chien ou à un singe, il a été invité dans les médias. Il était dans les médias pour dévaloriser absolument l'image de l'immigré maghrébin aux yeux des Français de souche. C'est-à-dire qu'il est normal aujourd'hui que les Français de souche, parce que ça existe, hein, les Français de souche, désolé, hein, pourquoi on serait les seuls à pas y avoir droit, même si c'est des souches récentes, hein, c'était vraiment pour... il est normal que le Français de base ait peur de l'immigré avec tout ce que les médias ont mis en scène, hein, cachant que les immigrés étaient aussi ceux qui occupaient plus de 90% des postes d'OS1 et d'OS2 sur les chaînes de montage, que c'était eux aussi qui étaient dans toutes les entreprises de nettoyage. Enfin, il y a vraiment eu une volonté de mettre en avant que le délinquant, et ils l'ont parfaitement compris, les types de banlieue. C'est-à-dire que pour pouvoir rentrer dans les médias et sortir de la cité, eh ben, ils ont joué aux délinquants. C'est-à-dire que pour faire venir les caméras, il faut mettre les feux aux bagnoles, on taguait sur les murs des messages de haine, et là, on avait une petite chance d'être invité chez Delarue. Pourquoi les médias ont-ils joué ce jeu-là? Pourquoi les politiques ont-ils joué ce jeu-là? Qu'est-ce qu'ils avaient comme idée derrière la tête? Soit ils sont très très bêtes, soit ils font le contraire de ce pourquoi ils ont été élus, hein, c'est-à-dire parce qu'ils sont quand même là pour essayer de maintenir la concorde nationale, la paix civile, la paix des communautés. C'est pas du tout ce qu'ils ont fait et c'est pas du tout ce qu'ils font en ce moment, hein. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait ça pour créer un phénomène d'ethnisation des problèmes sociaux, c'est-à-dire que via ce phénomène, les jeunes des cités restent dans leur cité et ne vont ni chercher du travail ou étudier, mais ont le culte de l'argent facile. Et quand ils sont pauvres et qu'ils restent dans ces ghettos, on dit, mais regardez, c'est leur faute parce que non seulement ils aiment qu'une musique de sauvage, mais en plus ils n'ont pas de travail, ça serait lié plus à leur identité ethnique qu'à le fait qu'ils soient immigrés. Je sais pas. Je laisse la responsabilité de tes conclusions, mais c'est vrai que c'est pas délirant de penser que ça a été fait pour ça. Et si ça a été fait pour ça, c'est très machiavélique, très dégueulasse. Et ce qui est bizarre, c'est que les gens aujourd'hui qui appellent à la ratonnade, parce qu'il faut appeler ça comme ça, hein, faut pas se voiler la face, hein, en essayant de créer une image de l'arabo-musulman et du maghrébin, si tu veux, qui associe systématiquement ça au viol, aux poseurs de bombes, tu vois, c'est vraiment poussé à la ratonnade. Hein. Les gens qui sont en train de faire ça sont ceux-là même qui ont mis en place toute cette imagerie négative, quoi. Donc, effectivement, moi, c'est ce que j'ai à peu près... je ne l'ai pas écrit comme ça, mais enfin, j'ai fait l'analyse. On pourrait tirer ces conclusions-là légitimement. J'ai fait ce travail. Ça m'a coûté beaucoup d'ennuis, de marginalisation et d'agression. J'estime avoir fait mon boulot de sociologue. Bourdieu est mort, donc je ne peux pas lui reprocher de ne pas l'avoir fait, hein. Mais ce qui est étrange, c'est que les sociologues de gauche et gauchistes dont c'était le boulot et qui ont fait ont eu pour vocation de défendre coûte que coûte l'immigré qui était comme ils auraient soi-disant défendu la veuve et l'orphelin ou le prolétaire avant, aujourd'hui où ça devient vraiment nécessaire parce que ces populations commencent à être en danger. Sans d'ailleurs que ça enlève les critiques qu'on peut adresser à ces gens-là. Aujourd'hui, ils n'ont plus les yeux que tournés vers l'Iran atomique, l'Irak à pacifier. Enfin, il suffit de voir où sont aujourd'hui positionnés toute cette intelligentsia de mai 68 de gauche, qui étaient les défenseurs de l'immigré, hein, historiquement. Eux, ils ont bien tourné Kazakh au moment où leur travail pourrait devenir utile, quoi. C'est là, pareil, on pourrait en tirer des conclusions. Ouais, ça, je rebondirai peut-être là-dessus parce que c'était une de mes questions. Je vais finir par Misère du désir et comme je t'avais dit, hein, j'ai 25 ans et l'idée que les vieux des clubs éliminent les jeunes à l'entrée parce qu'il y a une certaine compétition, enfin c'est quelque chose qui m'a paru formidable parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je vis depuis environ 7 ans, quoi. Ouais, et la sociologie de la boîte de nuit, là, on change de sujet. Ouais. Exactement, mais c'est dans Misère du désir aussi, quoi. Ouais, et donc, ouais, exactement. Ce que j'ai toujours trouvé très misérable entre guillemets, c'est que les sociologues officiels mettent un point d'honneur dans leur infinie naïveté, dans leur infinie soumission, à ne jamais faire de sociologie sur les problèmes sociologiques contemporains sérieux. Or, qu'y a-t-il de plus sérieux que le problème d'entrer en boîte de nuit ou pas le vendredi soir pour un jeune sous-prolétaire ou un jeune pauvre ? Ça, c'est un problème sociologique à étudier. Or, moi, j'ai fait la sociologie de la boîte de nuit, la sociologie de la drague de rue, et je me suis fait cracher à la gueule par la sociologie officielle en disant on n'étudie pas ces sujets-là, c'est vulgaire. C'est des espèces de jugements de valeur. Or, effectivement, dans Misère du désir, je ne vais pas le refaire là, mais pour ceux qui veulent, il y a un travail sérieux qui est fait, qui est une étude sociologique rigoureuse du fonctionnement de la boîte de nuit, où effectivement, on montre que c'est basé sur l'argent, que les femmes sont un gibier malgré elles, que finalement, l'enjeu, c'est qui peut approcher les femmes et par quels moyens en leur offrant à boire. La boisson coûte cher, c'est une manière de disqualifier les jeunes qui ont une supériorité de séduction sur le plan physique, mais sont, comment dirais-je, inférieurs en pouvoir d'achat. Donc c'est ce non-dit sociologique du fonctionnement de la boîte de nuit qui est le même. La boîte de nuit a été mise en place, c'est un concept qui a été mis en place dans les années 60 et qui n'a pas bougé. C'est-à-dire que là, il y a une stagnation totale de la relation. Parce que où est-ce qu'on rencontre aujourd'hui une fille le vendredi soir en discothèque, entre guillemets ? C'est là où c'est le lieu où c'est fait pour ça. Il n'y a plus de balles de village, il y a très peu de pratiques associatives. Or, effectivement, faire une sociologie sérieuse de la boîte de nuit, c'est important. Et moi, parce que j'ai fait ce travail, je reçois tous les jours des mails de jeunes types de 20 ans, 25 ans, des banlieues, parce que c'est souvent des gens des classes pauvres qui me disent « Grâce à vous, j'ai compris des trucs, merci, ça m'a aidé. » Vous voyez, « Sociologie du dragueur », qui est quand même un livre maintenant de référence, qui a été réédité 5 ou 6 fois et qui est maintenant en poche. C'est incroyable le nombre d'emails que j'ai reçus de mecs qui m'ont dit « Vous m'avez pratiquement sauvé la vie, quoi. J'ai compris comment marchaient les femmes, j'ai compris comment moi je pouvais approcher les femmes. » Et cette sociologie marxiste des rapports de séduction que j'ai faite, m'a valu le mépris de la classe sociologique française. Parce que par contre, j'ai reçu souvent des courriers très admiratifs de sociologues anglais ou américains ou brésiliens. Mais je ne suis même pas considéré comme un sociologue par la sociologie d'État en France. Hein, parce que j'ai osé faire de la sociologie sur des sujets, entre guillemets, scandaleux. Comme quoi on est toujours dans la même naïveté du scandale, comme à l'époque de Flaubert ou de Baudelaire, quoi, hein. Mais ça, c'est simplement les sujets se sont déplacés, mais c'est toujours pareil, il y a toujours des interdits, hein. Voilà, vous êtes bien sur Radio 103, c'est Nafarroa Social Club. Aujourd'hui, c'était la première diffusion de l'entretien que j'ai eu avec Alain Soral la semaine dernière à Bayonne. Et voilà, et donc la semaine prochaine, je vous diffuserai la seconde partie de l'entretien où il reviendra sur la notion de féminisation, l'hérédité de la staritude, le pouvoir des médias aujourd'hui et est-ce que la sociologie est une science. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. Je suis désolé pour les petits problèmes techniques qui se sont produits. Et j'y verrai la prochaine fois et j'espère que vous serez là aussi mardi prochain pour poursuivre la suite de cet entretien. Je vais vous diffuser une petite musique des Dust Brothers et c'est parti. vous êtes bien sur Radio 103, c'est la fin de Nafarroa Social Club. C'était les Dust Brothers, et comme j'ai un peu de temps, j'ai un peu mal calculé ma diffusion. J'ai le temps de vous dire aussi que je me suis rendu compte cette semaine qu'il y avait une rediffusion sur Arte de Andy Goldworthy. Je le prononce très mal, je suis très très mauvais en anglais, mais ça s'écrit Gold comme or, et Worthy comme THY à la fin. Et en fait, c'est un des pionniers du... Je sais pas comment ça se dit en français, je crois que c'est Natural Art en anglais. C'est l'art qui se réalise à l'extérieur, en plein air. En fait, il fait des formes assez caractéristiques de dolmen qui reconstitue avec des pierres, par exemple, et totalement gratuit et totalement éphémère parce que c'est souvent détruit par le vent ou par les vagues, et c'est quelque chose qui est vraiment très très très beau à regarder. Enfin, je vous invite à le regarder si vous aimez un peu la télévision et si vous avez le temps de regarder un documentaire. Ça s'appelle Andy Goldworthy, et voilà, vous l'avez en ce moment en rediffusion sur Arte. Et je vais lancer le générique de fin, et je vous remercie, j'espère que ça vous a plu, puis à mardi prochain. Je pense que je me suis pas trop trompé sur certains trucs, et le temps me donnera plus ou moins raison. Il se peut très bien que le temps me donne tort, et que je sois finalement dans 50 ans rien du tout, ou un espèce d'idéologue réac et qui a fait des petits paradoxes sur le féminisme, etc. C'est tout à fait possible, je prends les paris.